إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14 dans l'explication du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, et bien entendu c'est le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih Al-Fawzan. Donc on est arrivé, donc hier on a commencé le chapitre 7 dans Kitab al-Tawhid, et le chapitre 8, on a commencé le chapitre 8 dans Kitab al-Tawhid, Babun ما جاء في الرقى والتمائم. Donc qu'est-ce qui a été mentionné dans les hadiths et dans le Coran et dans les hadiths au sujet des ruqa et des tamaim. On a expliqué que ar-ruqa c'est le pluriel de ruqya, et que at-tamaim c'est le pluriel de tamima. On a expliqué le verdict à ce sujet-là. On a expliqué les différents cas et les différentes utilisations, et on a expliqué le verdict de chacune de ces choses-là, et ensuite on a mentionné quelque chose au sujet de d'autres termes également, hein, comme At-Tiwala, et on a expliqué aussi à propos de Al-Watar, qu'est-ce que c'était. Donc, on a mentionné qu'est-ce qui a rapport avec le shirk dans ces choses-là. Et il nous reste deux citations à lire dans Kitab al-Tawhid, dans ce chapitre. C'est des paroles à certains d'entre les imams des salafs, et donc on va les lire ensemble. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné deux citations parmi les citations des salaf. La première, c'était les paroles de Saïd ibn Jubayr. Il dit que celui qui coupe une tamima, c'est-à-dire celui qui coupe une amulette de quelqu'un, c'est équivalent à libérer un esclave. C'est comme s'il avait libéré un esclave. Et ça, c'est rapporté par Waqi', un des imams parmi les imams des salaf. Et également, Waqi' a rapporté, selon Ibrahim. Ibrahim, c'est Ibrahim al-Nakhai, comme on va voir tout à l'heure. Et l'imam Ibrahim al-Nakhai, il dit que les salaf détestaient les amulettes. Ils les détestaient toutes, qu'elles soient à partir du Coran, c'est-à-dire qu'elles soient faites à partir du Coran, ou bien qu'elles soient faites à partir d'autres choses que le Coran. Ils les détestaient toutes. Donc ça, c'est une parole des salafs qui confirme la position correcte. Donc le cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah, il explique, il dit « Waqi' huwa Waqi' ibn al-Jarrah »« Huwa Waqi' ibn al-Jarrah » imam ثقة إمام صاحب تصانيف مات سنة 197 هجريا. Donc ça veut dire que Waqi', c'est un des imams parmi les imams des salaf, son nom c'est Waqi' ibn al-Jarrah, c'était un des shuyukh de l'imam Shafi'i, hein? C'est donc un des grands imams parmi les imams de l'islam, un grand imam parmi les salaf. Il est thiqa, c'est-à-dire c'est quelqu'un de fiable. Les imams prenaient de lui le hadith. Et c'est un imam dans son domaine, un grand savant dans son domaine. Et il a de nombreux livres qu'il a écrits. Il est mort en l'an 197 de la Hijra. Ensuite, Ibrahim al-Nakhai. Ibrahim, c'est Ibrahim al-Imam. وهو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 96. Donc إبراهيم النخعي c'est un imam, c'est un thiqa, quelqu'un de fiable également. Il prenait de lui le hadith et il fait partie des grands parmi les fuqaha de l'islam. C'était l'imam de la Mecque à son époque, hein? Il a été succédé par Soufyan ibn Uyayna à Mecca. Donc c'est un des grands parmi les fuqaha, parmi les grands savants de fiqh. Et il est mort en l'an 96 de la Hijra. Ensuite, donc il mentionne les paroles de l'imam Saïd ibn Jubayr. On a déjà parlé de lui précédemment dans le hadith qu'on a mentionné dans un chapitre précédemment, Man haqqaqa at-tawhid, on a expliqué qui il était, Saïd ibn Jubayr. Donc, Saïd ibn Jubayr, il dit que celui qui coupe une amulette de quelqu'un, alors c'est équivalent à libérer un esclave. C'est comme s'il a libéré un esclave. Il dit, Ka'adli aqaba ay kana lahu mithla thawabi man a'taqa raqabatan. C'est-à-dire, celui qui coupe une amulette que quelqu'un porte sur lui, c'est équivalent à avoir libéré, il aura une récompense semblable à celui qui a libéré un esclave. Walahu, c'est-à-dire également, yani, celui qui a rapporté, c'est-à-dire, Waqi', il a rapporté également les paroles de l'imam Ibrahim al-Nakhai. Hein, quand il dit, Kanu yakrahun al-tama'im, il détestait les tamaim. De qui il parle quand il dit il détestait? Il dit ay ashab Abdullah ibn Mas'ud wa hum min sadat at-tabi'in. C'est-à-dire quand il dit il détestait, on parle ici des salaf, c'est-à-dire des compagnons de Abdullah ibn Mas'ud, et ce sont parmi les têtes des tabi'in. Les plus grands parmi les tabi'in sont parmi les élèves de Abdullah ibn Mas'ud. Donc il détestait les amulettes, hein, qu'elles soient faites à partir de Coran ou autre. Le Cheikh explique: معنى الأثرين إجمالا الإخبار عن الإخبار أن من أزال عن إنسان ما يعلقه على نفسه لدفع الآفات فله من الثواب مثل ثواب من أعتق رقبة من الرق. لأن هذا الإنسان صار بتعليق التمائم مستعبدا للشيطان فإذا قطعها عنه أزال عنه رق الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض سادات التابعين أنهم يعممون المنع من تعليق التمائم ولو كانت مكتوبا فيها قرآن فقط سدا للذريعة. Donc le cheikh explique la signification maintenant de ces deux paroles des imams des salaf. Il dit premièrement, dans ces deux asar, dans ces deux citations des salaf, on nous informe que premièrement celui qui enlève d'une personne une amulette qu'il avait accrochée sur lui-même pour repousser un mal quelconque, alors celui qui enlève cette amulette à cette personne, il a une récompense comparable à la récompense de celui qui a libéré un esclave, hein, qu'il a émancipé. Parce que cet être humain-là, en accrochant une amulette, c'est comme s'il était devenu un esclave du shaitan. Et lorsque la personne est venue couper cette amulette, c'est comme s'il lui avait enlevé cette forme d'esclavage qu'il avait pour le shaitan. Donc il a été libéré du shaitan à cause de cet homme. Et c'est pour cette raison qu'il a une récompense semblable. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam Ibrahim al-Nakhai. Il dit que selon certains d'entre les têtes, parmi les tabi'in, les plus importants d'entre les savants des tabi'in, c'est qu'ils détestaient les tama'im. Et donc, eux, ils prenaient ça de façon générale, l'interdiction. L'interdiction d'accrocher des amulettes, ils le prenaient de façon générale. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas de distinction entre le fait que ce soit écrit du Coran ou autre chose que le Coran dans cette amulette. Donc, du moment que c'était une amulette, ils détestaient cette chose. Et c'est ça que le cheikh explique. Il dit, les imams parmi les tabi'in, ils détestaient les amulettes et ils interdisaient de les accrocher, qu'elles soient, même si elles sont uniquement écrites avec le Coran, et ils l'interdisaient dans le but de fermer la porte, justement, à l'utilisation de ce genre de choses. Pour fermer la porte à l'utilisation de ces amulettes-là de manière incorrecte. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit munasabatul atharain lil bab zahira fa inna fiha hikayat al man' min ta'liq al tama'im mutlaqan an ha'ula' al ajla min sadat al tabi'in. Donc la raison pour laquelle on a placé ces deux paroles, ces deux citations des salaf dans ce chapitre, c'est apparent, c'est clair, c'est que il y a la mention du fait que on interdit d'accrocher des amulettes de façon absolue. C'est-à-dire, c'est absolument interdit. Ça, c'est mentionné de la part de ces grands imams parmi les imams des tabi'in. Wa yustafadu min al-atharain. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces deux citations de la part des salafs? Premièrement, awwalan, fadlu qat'i at-tama'im. لأن ذلك من إزالة المنكر وتخليص الناس من الشرك. Donc le premier point c'est le mérite de couper une amulette, parce que cela fait partie d'éliminer quelque chose de mal et d'enlever un munkar, quelque chose qui est mauvais. Et également ça fait partie de libérer un homme du shirk, libérer les hommes du shirk. Deuxièmement, تحريم تعليق التمائم مطلقا ولو كانت من القرآن عند جماعة من التابعين. Donc deuxièmement, l'interdiction d'accrocher des amulettes de façon absolue, même si elles sont accrochées, même si à la base elles sont faites de Coran. C'est-à-dire l'interdiction d'accrocher des amulettes de façon absolue, même si c'est à base de Coran. Ça, c'est selon un groupe d'entre les tabi'in. Et ensuite, le cheikh explique, il dit ensuite le point numéro 3, حِرْصُ السَّلَفِ عَلَى سِيَانَةِ الْعَقِيدَةِ عَنِ الْخُرَافَاتِ. C'est-à-dire les efforts des salafs pour protéger la aqida des différentes formes de superstition ou des différentes fausses croyances. Donc, les salafs avaient un grand intérêt, ils faisaient beaucoup d'efforts et ils avaient un grand intérêt, un grand désir de sauver les gens des fausses croyances qui sont propagées dans les différentes villes ou dans les différentes régions du monde musulman. Et ils faisaient beaucoup d'efforts pour justement débarrasser les musulmans de ces fausses croyances-là. Donc on a terminé avec le chapitre 8. Et on rentre maintenant dans le chapitre numéro 9, dans Kitab al-Tawhid. Donc le chapitre numéro 9, c'est باب من تبرك بشجرة أو حجرة ونحوهما. C'est-à-dire celui qui recherche la bénédiction des arbres ou bien des pierres ou de choses semblables. Celui qui cherche la bénédiction, il recherche une bénédiction de la part des arbres ou des pierres ou des choses semblables. Et on va lire donc ensemble ce chapitre. On va lire avant de commencer l'introduction à ce sujet-là qui a été mentionné par le Cheikh Al-Fawzan dans son livre I'anatul Mustafid, parce que l'introduction de ces chapitres sont très bénéfiques et ils nous aident à avoir une idée résumée de qu'est-ce que le chapitre contient, et ça on ne le retrouve pas yani dans plusieurs livres. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique, il dit هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله فإن الأبواب التي قبله في لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو تعليق الرقى والتمائم وهذا فيه النهي عن التبرك بالأشجار والأحجار هذه الأبواب كلها مؤداها على اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع وهذا شرك لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك لا يشاركه أحد وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليه نفع فهذه أسباب فقط أما الذي يخلق ذلك فهو الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh explique que ce chapitre vient compléter qu'est-ce qui est mentionné dans les chapitres précédents. C'est-à-dire que dans les chapitres précédents, on a mentionné que les choses qui ont rapport avec le fait de porter un collier ou une corde ou des choses semblables, ou bien de porter des amulettes ou bien des versets de Coran ou des hadiths ou des choses de ce genre, on a mentionné des choses à ce sujet là et ici maintenant il y a quelque chose qui est mentionné au sujet dans ce chapitre, au sujet de l'interdiction de rechercher la bénédiction des arbres et des pierres. Donc si on regarde tous ces chapitres, on voit qu'ils amènent tous à un seul résultat. C'est-à-dire les conclusions, c'est quoi la conséquence de qu'est-ce qui est expliqué dans ces chapitres-là, c'est que les gens qui portent ces choses-là ou qui agissent de cette manière-là, qui portent des amulettes ou des porte-bonheur ou des objets pour se protéger d'un mal ou repousser un mal ou ramener un bien, ou qui recherchent la baraka des arbres ou des pierres, c'est comme s'ils mettent leur croyance et leur foi en autre que Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant que ces choses-là peuvent nuire ou profiter. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Parce que personne ne peut nuire, ne peut ramener un bien, personne ne peut nuire ou profiter excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut repousser un mal ou ramener un bienfait excepté Allah seul. Et il n'a pas de partenaire ou d'associé dans cela. Et c'est lui qui a le pouvoir de ramener un bien ou de repousser un mal. Et personne ne partage cela avec lui. Personne ne partage cette capacité ou ce pouvoir avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il y a des choses, il existe des choses qui peuvent avoir comme conséquence de leur utilisation ou du fait de les manger ou de les boire, ils peuvent avoir comme conséquence quelque chose de mauvais, comme ils peuvent avoir comme conséquence également quelque chose de bénéfique. Il y a des choses que tu vas utiliser, que tu vas manger, que tu vas boire, qui vont te faire du bien parfois, ou bien qui vont te faire du tort. Le Cheikh, il dit toutefois, ce sont uniquement des causes. Ce sont uniquement des causes dans ses effets et dans ses conséquences négatives ou positives. Celui qui crée ces conséquences-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, hein, le Cheikh il dit, مثلاً الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع ولكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع وإنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. Donc le Cheikh il donne comme exemple le fait de manger ou de boire des bonnes choses dans lesquelles il y a un bienfait. Donc le Cheikh il dit il dit, mais il faut comprendre en même temps que ce n'est pas le fait de manger ou de boire qui crée le bienfait, mais c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui crée ce bienfait-là en la personne. Hein? Il dit, وَمَثَلًا السُّمُّ يَقْتُلُ وَالنَّارُ تَحْرِقُ وَلَكِنْ لَيْسَتْ هِيَ الَّتِي تَفْعَلُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّهَا مَخْلُوقَاتٌ لِلَّهِ ولكنها أسباب يقدر القادر سبحانه وتعالى أن يسلبها هذه الخاصيات كما سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما فدل على أنها لا تستقل بالضرر. الشيخ يقول كما par exemple le poison il tue. Le feu brûle. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses-là avec ses conséquences. Hein? Il a créé le poison et il a créé la conséquence qui en découle du fait de le prendre, c'est-à-dire la mort, le fait que le poison peut tuer. Il a créé le feu et il a fait également son action, c'est-à-dire il a créé également son action, le fait que le feu brûle. Donc, ça c'est des choses qui sont réelles et qu'Allah a créées. Toutefois, il faut comprendre que ce ne sont pas ces choses-là qui font ces choses, yani, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées et qu'elles sont des causes. Hein, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées ainsi. Et c'est parce qu'Allah les a créées ainsi qu'elles font ça. Hein, elles sont des causes et donc celui qui fait ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui crée ces choses, qui a créé ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de retirer à ces choses-là ses particularités ou ses caractéristiques. Il est capable d'enlever au feu, par exemple, sa capacité de brûler, comme dans l'exemple de ce qui est arrivé à Ibrahim lorsqu'il a été jeté dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le feu soit doux et yani, qu'il soit frais pour Ibrahim, qu'il soit frais et doux pour Ibrahim. Donc ça c'est la preuve que ces choses-là par elles-mêmes ne peuvent pas nuire sans que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui décide derrière, que ce soit Allah subhanahu wa ta'ala qui crée cette conséquence-là. Le Cheikh il dit ensuite wa qawluhu babun man tabarraka ay talab al baraka وهي حصول الخير ونماؤه وثبوته وكثرته. Donc التبرك ça veut dire quoi? Rechercher la baraka, rechercher la bénédiction, c'est-à-dire de faire venir le bien et de le faire augmenter et de le faire rester et de le faire augmenter, hein, le faire grandir. C'est ça al baraka. بحجر أو شجر أي طلب البركة من حجر أو من شجر أو اعتقد أنها سبب للبركة وهي لم يجعلها الله أسبابا لها فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها ولا هو مسبب في حصولها وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى وهو مسبب الأسباب. نعم قد يجعل الله بعض الأشياء مباركة مثل ماء الزمزم ومثل الأنبياء عليهم السلام ومثل الكعبة المشرفة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فالله هو الذي جعل الكعبة مباركة. أما الكعبة فليست هي التي توجد البركة أو تخلق البركة، ولكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، وبركتها بالحاج والعمرة، واستقبالها في الصلاة والطواف بها والتعبد عندها في المسجد الحرام. Donc le cheikh explique que donc la baraka, qu'est-ce que c'est, on l'a expliqué. Ensuite, de la chercher d'une pierre ou d'un arbre, c'est-à-dire de chercher la baraka, la bénédiction, d'une pierre ou d'un arbre, ou de croire qu'elles sont une cause dans la bénédiction ou dans la baraka, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas fait une cause. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de ces choses-là des causes pour la baraka. Donc celui qui fait de ces choses-là des causes pour obtenir la baraka, hein, alors que Allah ne les a pas fait des causes de baraka, alors hein, s'il prend des pierres ou des arbres pour obtenir la baraka en croyant qu'elles sont des causes de la baraka, alors que Allah ne les a pas fait des causes de baraka, alors dans ce cas-là, il a associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la pierre et l'arbre n'ont pas la capacité de créer la baraka ni de la faire exister. Elles ne sont pas non plus des causes, elles ne sont pas non plus des éléments qui causent que cette baraka se produise ou soit obtenue. Celui qui fait exister ou qui crée cette baraka, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui fait en sorte que ces causes-là se produisent, si jamais il y en a et lorsqu'il y en a. Donc le cheikh il dit, c'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en certaines choses une baraka, c'est-à-dire qu'il a rendu certaines choses bénites, mubaraka, comme par exemple l'eau de Zamzam, elle est mubarak, hein, et de même que les prophètes sont bénis, hein, et la Kaaba également elle est bénie, et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 96 dans Surat Al-Imran que la première demeure, la première maison qui a été établie pour les hommes, c'est celle qui est à Mecca, qu'on appelait Bakka, hein, elle est Mubarakan. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran qu'elle est bénite, cette maison, et c'est une guidance pour les mondes. C'est le verset 96 dans Surat Al-Imran. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a fait de la Kaaba qu'elle soit bénite, qu'elle soit Mubaraka. En ce qui concerne la Kaaba, donc ce n'est pas elle qui crée la baraka, hein, ce n'est pas elle qui fait exister la baraka, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a rendue mubaraka, hein. Elle n'est pas baraka par elle-même, c'est Allah qui a fait qu'elle soit bénite, et c'est pas elle-même qui est bénite, hein, qui bénit. Et donc la baraka elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la baraka de la Kaaba c'est quoi? C'est par exemple par le hajj, elle est bénie par le hajj. Allah subhanahu wa ta'ala l'a bénie parce que elle l'a béni en faisant en sorte qu'on fasse le hajj là-bas. Et il l'a béni en faisant en sorte, hein, par le fait qu'on fait la umrah là-bas. Et il l'a béni par le fait que on se tourne vers cette direction-là pour faire la salat. Et il l'a béni par le fait que également on fait le tawaf autour de cette maison. Et qu'on adore auprès de cette mosquée qui est sacrée. Donc c'est ça en fait sa bénédiction. Ensuite le cheikh dit وَقَدْ يَجْعَلُ اللَّهُ بَعْضُ الْأَشْيَا مُبَارَكَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ بَعْضُ الْأَشْيَا شَرِيرًا فَقَدْ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ شَرِيرًا وَجَعَلَ بَعْضُ الدَّوَابِ شَرِيرًا فَالِاعْتِمَادُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كُلِّ الْأُمُورِ إِنَّمَا نَتَّخِذُ الْأَسْبَابَ وإنما فالاعتقاد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب أما النتائج فهي عند الله ونحن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله ونحن لا نعطل الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذها وتعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله في الأشياء كما قال بعض العلماء الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشرع لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، أمرك باتخاذ الأسباب والاعتماد على الأسباب الشرك، لأن الاعتماد على لأنه اعتماد على غير الله. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين لإزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. Donc le cheikh explique ensuite que certaines choses Allah subhanahu wa ta'ala les a créées et il les a créées bénies. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait également certaines choses mauvaises, il a créé certaines choses comme étant mauvaises, comme les shayatin par exemple, qui sont mauvais. Et il a créé également certaines bêtes, certains animaux mauvais également. Et on doit mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes choses. Et on doit savoir que ces choses-là sont des causes. Et on doit uniquement donc mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et prendre les moyens nécessaires que Allah nous a permis de prendre pour arriver à un résultat ou à quelque chose qu'on veut. Parce que Allah nous a ordonné de prendre les moyens nécessaires et de prendre les causes, hein, de prendre les causes. Toutefois, il faut savoir que les résultats, si on a le succès dans le résultat qu'on veut, eh bien, c'est uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça vient. Donc, Allah nous ordonne de mettre notre confiance en lui et il nous ordonne de prendre les causes nécessaires, les moyens nécessaires pour obtenir ce qu'on veut et pour obtenir les résultats qu'on veut. Toutefois, il faut savoir que le résultat, si on l'obtient, c'est uniquement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas mettre notre confiance uniquement en les moyens qu'on utilise ou en ces causes qu'on utilise pour arriver à notre résultat. On met uniquement notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. On utilise les causes et les moyens, mais on ne met pas notre confiance en ces causes et en ces moyens. Mais on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne laisse pas de côté non plus les moyens et les causes, comme certains qui disent, nous on ne fait pas les moyens, on ne prend pas les démarches et on ne fait pas les causes nécessaires pour obtenir un résultat, on met uniquement notre confiance en Allah. Ça c'est une erreur également, ce n'est pas correct. Il y a ceux qui ont exagéré d'un côté, qui ont dit, nous on ne met notre confiance que en les moyens et en les causes qu'on utilise. Et ils ont laissé de côté la confiance en Allah, comme les matérialistes. Hein? Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont dit, nous, on met uniquement notre confiance en Allah et on n'utilise pas les moyens nécessaires et les causes nécessaires pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est l'autre extrême, comme des égarés parmi les adorateurs et les soufis qui uniquement prétendent qu'ils mettent leur confiance uniquement en Allah et qui délaisse les moyens et les causes nécessaires que Allah nous a ordonné de prendre. Donc ça c'est un autre extrême. Et ce que le cheikh est en train d'expliquer ici, c'est qu'on doit être dans le juste milieu au sujet de cette question. On prend les causes et les moyens nécessaires que Allah nous a ordonné de prendre et qu'il nous a permis, et on met notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans ces choses-là. Puis on sait que le résultat vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une question qui est très importante à comprendre. C'est l'introduction que le cheikh avait fait dans son livre I'anat al-Mustafid pour comprendre comme il faut la question de qu'est-ce qui a rapport avec at-tabarruk, hein, le fait de chercher la bénédiction des arbres et des pierres et des choses semblables, hein, puisqu'il y a des gens qui pense que la baraka peut être obtenue des objets et des choses. Et ça, on le retrouve chez les soufis en particulier, qui pensent que, parfois leur cheikh est une source de baraka. On voit que, par exemple, quand leur cheikh est là, ils veulent prendre tout ce que le cheikh a touché, et ils pensent qu'en touchant à ces objets-là, ils vont eux aussi obtenir une baraka ou quelque chose comme ça. Comme si le cheikh avait une baraka qui émanait de lui et que chaque chose qu'il touchait devenait bénie elle aussi. Et ils veulent en obtenir une partie, alors ils essaient de d'en toucher le plus possible, ou de toucher au cheikh, ou des choses de ce genre. Ils pensent que le cheikh est comme les prophètes, et ça c'est une erreur, hein. Ou bien il y en a qui touchent les objets, comme la mosquée, les portes des mosquées, les portes de la Kaaba, les portes de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mimbar, hein, ou d'autres, ou l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré, la grille, hein, il touche à ça, il touche à toutes sortes de choses comme ça en pensant que il y a une baraka dedans, et ça c'est comparable à ce que font les mushrikines avec les arbres et les pierres et les statues. Donc on va lire ensemble cette partie, hein, cette partie dans Kitab al-Tawhid. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne pour commencer quelques versets dans Surat al-Najm qui sont les versets 19 à 23. Surat al-Najm. Donc on va les lire ensemble pour comprendre leur signification. الشيخ الدين وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Donc ça c'est les premiers versets dans Surat al-Najm, dans Surat al-Najm, le verset 19 à 23. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la signification que vous en semblez des idoles que les mushrikines adorent, Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture, les suppositions et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Donc ça, c'est les versets à ce sujet. Et on va comprendre dans l'explication du Cheikh pour quelle raison il mentionne ce verset au sujet de la baraka, hein, au sujet de ce chapitre sur la baraka des pierres et des arbres. On va comprendre dans l'explication. Le Cheikh il dit munasabatul bab li kitab at-tawhid annahu istimrarun fi dhikr ash-shirkiyat al-munafiyat lit-tawhid aw kamalihi. Donc la raison pour laquelle on parle de ce chapitre dans Kitab at-tawhid, c'est pour continuer la mention des différentes formes de shirk qui viennent en opposition avec le tawhid, ou bien en opposition avec qu'est-ce qui vient compléter ou parfaire le tawhid. Le Cheikh il dit ensuite l'explication de certains termes dans le titre en premier, tabarrak, hein, tabarraka. At-tabarruk talabul baraka wa raja'uha wa i'tiqaduha. Donc at-tabarruk, c'est de rechercher la bénédiction, la baraka en arabe, de l'espérer et de la souhaiter, et de croire en cette baraka, en cette chose. Donc ça c'est par rapport au titre de rechercher la baraka de quoi? Des pierres et des arbres. Wanahwihima, c'est-à-dire ainsi que d'autres choses que ces deux-là, hein, qui sont semblables. Le Cheikh il dit ma ashbahahuma min buq'atin aw magharatin aw magharatin pardon magharatin aw qabrin aw mashhadin aw atharin. Donc c'est-à-dire de rechercher la baraka des arbres et des pierres ou d'autres choses semblables, que ce soit un lieu ou bien une grotte ou bien une tombe ou bien un lieu où les gens ont vu une personne faire une adoration, ils ont construit par exemple un objet ou un temple ou un dôme à cet endroit-là, ou bien comme on appelle une relique, hein, une sorte de relique que les gens utilisent, soit un morceau de tissu, un vêtement que quelqu'un a porté, ou bien un objet que la personne possédait à son époque, ou bien un bâtiment, ou quelque chose, un endroit où la personne habitait, des choses comme ça. Hein, et il y a des gens comme ça qui appellent les musulmans à chercher la baraka de différents endroits comme ça. Et vous allez voir, on va expliquer, inshallah, des exemples pour clarifier cette question-là de façon claire, inshallah, pour montrer aux gens l'erreur de certains musulmans aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans certains pays musulmans à ce sujet-là, qui est en contradiction avec le tawhid. Donc, on voit par exemple que dans, même je me souviens, il n'y a pas longtemps, même là, peut-être ça fait un an environ, quand je suis parti faire la prière de Jumu'ah, et puis après la prière, il y a quelqu'un qui distribuait des journaux, et ces journaux-là, c'est un journaux d'une organisation islamique qui est, je pense qu'ils sont reliés au Ikhwan al-Muslimin, quelque chose comme ça, en tout cas c'est cette tendance. Et à l'intérieur de ce journal, il y avait un article, et dans l'article, il parlait justement de l'Arabie Saoudite et du fait que l'Arabie Saoudite détruisait certains endroits que ces gens-là considéraient eux comme étant des, comme on appelle, des reliques, hein, des lieux qui sont des reliques, et il disait que ça c'est la destruction en fait du patrimoine de l'islam et que c'était des reliques qu'il fallait les garder, et ainsi de suite. Et il disait ça c'est à cause de l'attitude des wahhabiyas, ou bien de qu'est-ce qu'ils appellent al-wahhabiyas, de vouloir détruire ces choses-là. Et ils ne réalisent pas que, en réalité, ces choses-là, parfois ces endroits-là, ou ces places-là, ou ces reliques, sont utilisées par les gens pour faire du shirk. Et on sait que, yani, certains d'entre les sahaba, ils ont ordonné, si je ne me trompe pas, c'était Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a ordonné qu'on coupe l'arbre de Al-Aqaba, l'endroit où les Sahaba avaient donné l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des gens qui commençaient justement à prendre cet arbre comme un endroit ou un lieu particulier, et ils prenaient cet arbre-là pour aller faire des adorations à cet endroit-là. Donc Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a ordonné qu'on le coupe. Hein? Il y a beaucoup d'autres exemples également de choses pareilles. Donc les Sahaba ont pris des précautions justement pour empêcher que les gens tombent dans des formes de shirk et dans des formes d'exagération au sujet de ces lieux-là et de ces bâtiments-là. Donc d'un côté, il faut comprendre ça de cette façon-là. Toutefois, certains, en particulier les gens de Bid'a parmi les soufis et les autres, eux, ils ne veulent pas comprendre des choses de cette façon-là, puisqu'ils veulent appeler les gens à continuer à tomber dans des formes d'égarement, des formes d'exagération au sujet des objets et des lieux. Et c'est important donc, à cause de ça, de mettre en garde contre ce genre de choses. Et si ces choses-là sont, si ces endroits-là sont détruits, alors il n'y a pas de mal là-dedans, puisque c'est pour protéger la aqida des musulmans. Et je me souviens dernièrement, quand je suis parti à Mecca, on est allé faire la Umrah il n'y a pas longtemps, et une fois arrivé là-bas, je me souviens que quand on partait pour aller vers derrière la mosquée, là où il y a Safa wal Marwa, quand on sort par là-bas, il y a une petite bibliothèque en arrière, juste au bord de la route. Et je me souviens que des gens allaient à cet endroit-là et qu'ils se réunissaient tous devant la porte. Donc, moi je croyais qu'il y avait quelque chose, une distribution de livres, puisque c'est une bibliothèque. Donc, je croyais qu'il y avait une distribution de livres, ou qu'on donnait des livres sur l'islam, ou des choses comme ça. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai demandé aux gens qui étaient réunis, j'ai dit, mais est-ce que vous attendez pour des livres ou quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis la personne me dit, non, c'est cet endroit-là, cette bibliothèque-là, c'est un endroit, c'est à cet endroit-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Alors, j'ai dit Allah al-Musta'an. J'ai dit, parce que les gens attendaient, en fait, c'est pour pouvoir prier à cet endroit-là. Ils attendaient pour pouvoir faire la salat ou faire rak'atayn à cet endroit, puisqu'ils croyaient que, parce que c'est un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né, que c'était quelque chose de bien de s'arrêter là pour faire rak'atayn. Et il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui prouve ce genre d'action-là. Hein? Et c'est pour cette raison-là que vous voyez des gens agir comme ça durant le Hajj, durant la Umrah ou d'autres moments de l'année, faire des lignes d'attente pour aller prier à quelque part en croyant qu'il y a un mérite de faire ça, alors qu'il n'y a aucune référence à ce sujet-là dans le Coran ni dans la Sunna. Et ça fait uniquement partie des innovations que les gens ont inventées dans la religion. Et à la Mecque et à Médine, vous trouvez plein d'exemples de ce genre de choses. Et les gens pratiquent n'importe quoi et ils font n'importe quoi. Et ils ne posent pas les questions. Et ils ne cherchent pas à comprendre ou à savoir. Allah al-Musta'an. Donc c'est important de comprendre ces choses-là et de les apprendre comme il faut. Et de savoir qu'on ne doit pas chercher la baraka d'objets ou de choses de ce genre. Hein? Donc le cheikh ensuite il clarifie la suite en ce qui concerne le verset qu'on a lu ensemble, les versets qu'on a lu ensemble. Il dit premièrement afara'aytum akhbiruni an hadhihi al-asnam hal nafa'at aw darrat afara'aytum, n'avez-vous pas vu, hein? Et ça c'est dans le sens informez-moi au sujet de ces idoles Lat wal Uzza wa Manat que vous adorez, en parlant des mushrikoun, est-ce qu'elles peuvent profiter ou nuire, hein? Est-ce qu'elles peuvent profiter ou nuire? Donc il dit Allat, le cheikh explique Allat quri'a bitakhfif at-ta wa quri'a bitashdidha fa'ala al-qira'ah al-ula hiya ismu sakhrah bayda manqusha 'alayha bayt bit-ta'if وعلى القراءة الثانية هي اسم فاعل من لت يعني لرجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره. Donc le cheikh explique que اللات, les noms qui sont mentionnés dans ces sourates, dans cette sourate, dans ces versets, dans ces ayat, sont les noms des différentes idoles que Quraysh adorait. Et Al-Lat, le cheikh il explique qu'il a été mentionné ou récité de deux façons. On l'a récité avec un shadda sur le ta, Al-Lat et Al-Lat. Une récitation, on le récite sans shadda sur le ta, et l'autre récitation, on récite avec un shadda sur le ta. Et le cheikh explique que selon la première récitation, celle qui n'a pas de shadda, c'est pour désigner un gros rocher blanc qui a été taillé, sur lequel on a mis une maison. On a construit une maison. Et c'était dans la région de Ta'if. Okay? Donc c'était une idole qu'ils adoraient à l'origine, c'est un gros rocher qui est blanc et qui a été taillé. Et ils ont construit une maison dessus. Donc ça c'est Al-Lat. Mais Al-Lat quand il est sans Shadda. Si on le récite avec le Shadda, c'est pour désigner le nom de la personne, le nom de la personne qui donnait à manger aux Hujjaj lorsque les Hujjaj venaient faire le Hajj. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Abbas dans le Hadith 4859, il explique que quand on le récite avec Shadda, ça vient du verbe Latta qui veut dire celui qui nourrissait les Hujjaj, hein, il leur donnait As-Sawiq. Et Kana Yalitu As-Sawiq. Ça veut dire, yani, as-sawiq, c'est un genre de mélange d'orge ou de, yani, différentes céréales de différentes origines, soit d'orge ou autre, et qu'on mélangeait avec des dattes, Et kana yalitu as-sawiq, les ulama ont expliqué que ça signifie en fait que il le mélangeait avec du beurre, hein. C'est ce que ça signifie. Donc c'est ce qu'il faisait cet homme, il donnait à manger au hujjaj. Kana yalitu as-sawiq lil hajj. Et quand il est mort, cette personne, ils se sont tenus sur sa tombe. Donc c'est ça, c'est donc un homme qui faisait du bien. Donc ça c'est les deux significations pour Al-Lat. Al-Uzza, le cheikh explique, il dit Shajaratun sumur قد بني حولها وجعل لها أستار بين مكة والطائف. Donc Al-Uzza, c'est le nom qu'on donne à un arbre, hein? Un arbre qui était autour duquel on a construit une construction, un bâtiment, et on a mis autour de ce bâtiment des rideaux pour couvrir le bâtiment, et cet arbre se tenait dans un endroit qui est entre la région de Mecca et de Taif, donc c'était entre les deux, et ça c'était donc l'idole qu'on appelle Al-Uzza. Donc Al-Uzza c'est un arbre, hein. Donc Al-Lat c'était un rocher ou bien un homme pieux qu'on a dit qui abreuvait les Hujjaj, et Al-Uzza c'était un arbre autour duquel on a construit quelque chose et on a mis des rideaux autour, et les gens adoraient ça. Maintenant Manat c'est une idole, hein, qui était à un endroit où il y avait une chute d'eau entre Mecca et Médine. Sanamun bil mushallal بين مكة والمدينة. الثالثة الأخرى ذم لها بالتأخر أي المتأخرة الوضيعة المقدار. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ومنات الثالثة الأخرى, hein, la troisième autre, c'est pour en fait la dénigrer et la blâmer en disant qu'elle est celle qui est, hein, la dernière, hein, et pour montrer que elle est basse et qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle n'est pas estimable. Alakum al-dhakar taj'aluna lakum ma tuhibbuna wa huwa al-dhakar wa lahu al-unsa taj'aluna lahu al-inath wa haythu taquluna al-malaikatu banatullah. تلك إذا قسمة ضيزة جور وباطل. Donc le cheikh explique que il s'attribuait, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit est-ce que vous avez les mâles, vous donnez à vous-même ce que vous aimez, c'est-à-dire les fils, hein, vous donnez à vous-même des mâles, et vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala les femelles, c'est-à-dire les filles, vous dites que les anges sont les filles d'Allah, ça c'est une division qui est injuste et fausse, hein. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit que ce ne sont que des noms, uniquement des appellations que vous avez utilisées pour nommer ces idoles, hein, de vous, à partir, c'est-à-dire c'est vous-même qui avez décidé ces noms-là, et vous n'avez in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, vous ainsi que vos ancêtres, ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان على ألوهيتها. C'est-à-dire il n'y a au sujet de leur divinité, au sujet de leur droit à être adoré, aucune preuve. Il n'y a aucune preuve qui supporte ou qui montre que ces choses ont droit d'être adorées et qu'elles méritent d'être prises comme des divinités. Hein, min sultan, in yattabi'una illa dhann, ils ne font que suivre, hein, ma yattabi'una ay laysa lahum mustanadun illa dhann ay husna dhannihim bi aba'ihim wa ma tahwa al-anfus huzuz anfusihim fi riyasa. Donc ils ne font que suivre leur bonne pensée qu'ils ont pour leur père, en pensant que leur père avait fait un bon choix, ou qu'ils avaient pris une bonne décision en prenant ces idoles et en prenant ces objets d'adoration, et ils ne se basent et ils ne font que suivre également leurs passions, les passions de leur âme, hein, puisque ils prennent pour eux-mêmes ces idoles et ils justifient leur pouvoir et leur autorité à partir de ces idoles-là. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Alors que la guidance leur est venue de la part de leur Seigneur, puisque le Cheikh il dit إِرْسَال, hein, الْهُدَى إِرْسَالُ الرُّسُلُ بِالْحُجَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْحَقِّ الْمُنِيرِ. Parce que Allah a envoyé les messagers avec la preuve claire et avec la vérité éclatante. Et le Cheikh explique ensuite le sens général de ces versets. المعنى الإجمالي للآيات ويحاج تعالى المشركين في عبادتهم ما في عبادتهم ما لا يعقل من هذه الأوثان الثلاثة ويوبخهم على جورهم في القسمة حيث نزهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله ثم يطالبهم بالبرهان على صحة عبادة هذه الأصنام ويبين أن ويبين أن الظن ورغبة النفوس لا يكونان حجة على هذا المطلب وإنما الحجة في ذلك ما جاء به الرسل من البراهين الواضحة والحجج القاطعة على وجود وعلى وجوب عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. Donc le Cheikh explique que la signification générale des versets qui sont mentionnés ici, hein, en premier, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il établit les arguments et la preuve contre les mushrikines au sujet de ce qu'ils adorent, de, à propos de ce qu'ils adorent, qui n'est pas basé donc sur la raison, hein, et ce sont ces idoles qu'ils adorent, ces trois idoles qu'ils adorent, et Allah subhanahu wa ta'ala les blâme également au sujet de l'injustice qu'ils font dans la division lorsqu'ils s'attribuent les garçons et qu'ils attribuent à Allah les filles. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de ramener la preuve de ce qu'ils font comme adoration pour ces idoles, pour prouver que ce qu'ils font est correct, de ramener des preuves. Et en fait il leur explique et il clarifie que ils ne se basent que sur des suppositions et sur des conjectures et sur les désirs de leur âme, et ils n'ont aucune preuve réelle à ce sujet-là, au sujet du shirk. Et les preuves à ce sujet-là sont uniquement celles qui ont été ramenées par les messagers. Les preuves, c'est ce que les messagers ont ramené comme évidence claire et comme argument coupant et tranchant pour expliquer l'obligation de l'adoration d'Allah seul et l'obligation d'abandonner l'adoration des idoles. Hein? C'est ça les preuves claires. Tandis que ce que font les mouchrikoun, ce n'est pas basé sur des preuves claires. Ensuite, le Cheikh il dit « وَمُنَسَبَتُ الْآيَاتِ لِلْبَابِ » أن فيها تحريم التبرك بالأشجار والأحجار واعتباره شركا فإن عباد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها فالتبرك بالقبور كالتبرك باللات وبالأشجار والأحجار كالتبرك بالعزى ومنات. Donc le Cheikh explique pourquoi on mentionne ces versets par rapport à ce chapitre. C'est quoi le lien entre le titre et les versets mentionnés? Puisque le titre c'est le chapitre au sujet de chercher la baraka des arbres et des pierres et des choses semblables. Et le verset parle de اللات والعزى ومنات. Donc où est le lien entre le titre et le verset mentionné? Et le Cheikh explique que le lien c'est que dans ces versets il y a l'interdiction de chercher la baraka des arbres et des pierres et de considérer que cela fait partie du shirk. Hein? Pourquoi? Parce que les adorateurs des idoles qui sont mentionnés dans ces versets, Lat wal Uzza wa Manat, ils pensaient que, ou ils considéraient que, ils allaient obtenir la bénédiction de ces idoles en les adorant et en leur faisant des invocations et en leur montrant du respect. Donc, ceux aujourd'hui qui cherchent la baraka des tombes, c'est semblable à ceux qui cherchent la baraka de Al-Lat. Puisqu'on a dit que Al-Lat, c'est un homme, on a expliqué que parmi les significations, c'était que c'était soit un gros rocher blanc, ou bien que c'était un homme pieux qui avait l'habitude de donner à boire au Hujjaj et on l'a pris comme une idole par la suite. Donc, celui qui cherche la baraka d'une tombe, il ressemble à ce que les mouchriquins faisaient lorsqu'ils cherchaient la baraka de Al-Lat. Et ceux qui recherchent la baraka des arbres et des pierres, c'est semblable à ceux qui recherchaient la baraka de Al-Uzza et de Manat parmi les mouchriquins. Puisque à la base c'était un arbre et c'était également une pierre ou des choses de ce genre. Des objets fabriqués à partir de bois et de pierre. Et donc c'est ça qui est à l'origine de ces objets. C'est un arbre et des pierres. Et c'est avec ça que les mouchriquins fabriquaient également leurs idoles avec du bois et des roches et des pierres. Ou bien des fois c'était directement des arbres et des pierres. Le cheikh il dit ensuite Ma yustafadu min al-ayat, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets? Le cheikh il dit Anna tabarruka bil ashjar wal ahjar shirkun. Premièrement, que de chercher la baraka des arbres et des pierres, c'est une forme de shirk. Deuxièmement, ثانيًا مشروعية مجادلة المشركين لإبطال الشرك وتقرير التوحيد. Là, il est légiféré et il est permis et ordonné dans la charia de débattre avec les mouchriquins dans le but de détruire les arguments qu'ils amènent pour défendre leur shirk et dans le but d'établir et de confirmer la véracité du tawhid. Et le point numéro 3, أن الحكم لا يثبت إلا بدليل مما أنزل الله لا مجرد الظن وهوى النفس. Le cheikh explique comme point numéro 3 que le verdict au sujet d'une chose ne peut pas être établi excepté par une preuve de ce que Allah a révélé et non pas uniquement en se basant sur des conjectures ou sur les passions de l'âme. Il faut des preuves de la révélation d'Allah pour justifier ces choses-là. Et le point numéro 4, أن الله قد أقام الحجة بما أرسل من الرسل وأنزل من الكتب. Le point numéro 4, que Allah subhanahu wa ta'ala a établi la preuve, parce que les messagers ont envoyé comme messagers, parce que Allah a établi la preuve. Allah a établi la preuve par les messagers qu'il a envoyés et par les livres qu'il a fait descendre et qu'il a révélés. Donc c'est comme ça que Allah a établi la preuve contre les mouchriquins. Naam. Ensuite, il y a le hadith qui est mentionné dans ce chapitre selon Abi Waqid al-Layfi. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. Donc ici le cheikh il explique, donc c'est le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il mentionne ce hadith qui est rapporté selon Abi Waqid al-Layfi, hein, et il est rapporté selon l'imam al-Tirmidhi et Ahmad, hein, l'imam al-Tirmidhi et Ahmad. Donc il est rapporté par al-Tirmidhi et l'imam Ahmad et Ibn Hibban et également par al-Bayhaqi. Et par d'autres également. Et il est également déclaré sahih par Cheikh Al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi et également dans Zilal al-Sunnah et dans Al-Mishkat, le hadith 5369. Donc, ça c'est par rapport au verdict au sujet du hadith. Maintenant, le hadith, qu'est-ce qu'il signifie ? Il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah. Donc, Abu Waqid al-Layth, il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vers Hunayn. Et nous étions nouveaux dans l'islam. Nous venions de quitter le kufr, yani. Et les mushrikoun, ils avaient un arbre qu'ils utilisaient, sur lequel ils accrochaient leurs armes. Donc les mouchilkouns, ils avaient un arbre qu'ils prenaient, ils se tenaient devant cet arbre en adoration et ils accrochaient leurs armes, leurs épées sur cet arbre. Et ils l'appelaient Zat Anwat. Et donc, les nouveaux parmi les musulmans qui étaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui venaient de quitter le coffre, ils ont passé devant un autre arbre. Ils ont dit au messager d'Allah, pourquoi tu ne nous désignerais pas un arbre pour faire un peu comme ce que font les mushrikoun? On va avoir nous aussi un Zat Anwar, sauf que ce ne sera pas le même que celui des mushrikines. Ce sera toi qui nous l'auras désigné. Donc ils croyaient que ça serait correct, puisque ils pensent que ce serait, si c'est désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pensent que dans ce cas-là, ça va être acceptable. Et étant donné qu'ils étaient nouveaux dans l'islam, ils ne savaient pas correctement le tawhid, ou bien ils n'avaient pas encore tout compris comme il faut. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Il dit, ça c'est As-Sunan. Ça c'est-à-dire, ça c'est, qu'est-ce qui se passe? C'est les exemples des gens qui suivent les voies des peuples qui ont précédé. Il dit, par celui qui tient mon âme en sa main, ce que vous venez de dire là maintenant, c'est exactement la même parole que ce que Banu Israël ont dit à Moïse lorsqu'ils sont passés devant des gens qui adoraient des idoles. Ils ont demandé à Moïse, fais-nous une idole ou une divinité comme eux, ils en ont une. Hein? Une idole comme ceux que ceux-là adorent. Sauf que, hein, ils pensaient que ça pourrait être acceptable si c'était Moïse qui le faisait. Hein? Et Moïse leur a dit, vous n'êtes qu'un peuple ignorant. Et il a mentionné par la suite la parole, vous allez suivre les exemples de ceux qui sont venus avant vous. Ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi, comme on l'a dit. Et il est authentique, ce hadith. Donc, le cheikh explique maintenant les termes qui sont mentionnés dans ce hadith, en commençant par le narrateur de ce hadith, Abu Waqid al-Layfi, huwa al-Harith ibn Auf, al-Sahabi mashhur, hein, huwa al-Sahabi mashhur, mata sanata 68 hijriyan, wa lahu 85 سنة. Donc Abu Waqid al-Layfi, son nom c'est Al-Harith ibn Auf, C'est un sahabi célèbre, il est mort en l'an 68. De la Hijra, il avait 85 ans, alors à l'âge de sa mort, au moment de sa mort, il avait 85 ans. Donc, dans le hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec certains de ses compagnons vers Hunayn. Hunayn, Wadin, le cheikh il dit Wadin, yaqa'u شرق مكة شرقي مكة بينه وبينها 11 ميلا قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن. Donc Hunayn, c'est une vallée qui est à l'est de Mecca, entre Mecca et Hunayn il y a environ une dizaine de milles. Milles, c'est une distance, une mesure quelconque. Et c'est pas les milles qu'on utilise aujourd'hui, les milles, hein, c'est une autre mesure. وَقَتَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a combattu à cet endroit-là, à Hunayn, la tribu qu'on appelle la tribu de Hawazin. Donc, il était en présence de certains d'entre les compagnons qui venaient de se convertir. C'est-à-dire, حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ قَرِيبُ عَهْدُنَا بِالْكُفْرٍ. C'est-à-dire, ils venaient de quitter le Kufr depuis peu de temps. يَعْكِفُونَ. Ils ont vu donc un arbre. Hein, les mushrikoun, à l'époque, ils prenaient des arbres et ils se tenaient devant. يَقُومُونَ يَعْكِفُونَ. C'est-à-dire, يَقُومُونَ عِنْدَهَا ويعظمونها ويتبركون بها. Donc يعكفون, c'est-à-dire ils se tiennent auprès de cet arbre et ils vénèrent cet arbre et ils cherchent la bénédiction de cet arbre. وينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة. C'est-à-dire ils accrochaient leurs arbres, leurs épées sur cet arbre pour la baraka. Parce qu'ils croyaient que, en accrochant leurs armes à cet endroit-là, que l'arbre allait rendre leurs épées plus puissantes au moment de la bataille. Donc, le cheikh, il continue, il dit, donc, il explique l'autre aspect dans le hadith qui est mentionné, qu'ils appelaient cet arbre Tat Anwat, Jam'unut, wa huwa masdarun. مصدر سمي به المنوط وسميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك. Donc il l'appelle ذات أنواط. Pourquoi? Parce que c'est le pluriel de أنواط, c'est le pluriel de نوط, qui veut dire à cause des choses qui ont été accrochées après, donc les armes ou les épées qui ont été accrochées après, on l'a appelé comme ça, puisqu'il y avait beaucoup d'armes et d'épées accrochées après, on l'a appelé l'arbre sur lequel il y a des armes accrochées, dans le but de chercher la baraka de l'arbre. Hein. Et ils ont demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner à eux aussi un arbre qu'ils pourraient eux aussi utiliser pour accrocher leurs armes et leurs épées pour la baraka. Donc ils ont demandé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. اجعل لنا ذات أنواط. سألوه أن يجعل لهم مثلها. Ils lui ont demandé de leur désigner un arbre semblable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب. Donc il dit الله أكبر, en voulant dire Allah est plus grand. Et ça c'est une forme d'étonnement. C'est une parole qu'on dit sous forme d'étonnement. Quand quelque chose est étonnant, on dit Allahu Akbar. Inna hassunan bi dhamm as-sin at-turuq ay salaktum kama salaka man qablakum at-turuq al-mazmuma. Donc qu'est-ce que vous venez de dire là? Vous êtes en train de suivre les voies, c'est-à-dire les voies que ceux qui existaient avant vous ont suivies, qui sont des voies qui sont blâmables. Donc vous êtes en train de suivre ces mauvaises voies. en disant ce genre de paroles. Et il dit ensuite, donc, Ben Israël, Banu Israël, Israël c'est, il dit le Cheikh, il dit, Huwa Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil, alayhi salatu wa salam. Donc, Israël, c'est le nom qui désigne Jacob, fils de Isaac, fils d'Abraham. Donc, c'est Israël, son nom. Ya'qub s'appelle Israël. C'est le fils de Ishaq, fils de Ibrahim. عليهم الصلاة والسلام إنها السنن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم ويجوز فتح السين بمعنى طريق طريقهم هي نعم donc on peut dire سنن et on peut dire السنن لتتبعن سننا ou bien لتتبعن سننا سننا ou سننا les deux c'est possible de le dire et dans les deux cas ça veut dire leur voix ou la voix de ces gens là le شيخ il dit ensuite والمعنى الإجمالي للحديث يخبر أبو واقد عن وقعة فيما فيها عجب وعجب وموعظة وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن وكان دخولهم في الإسلام قريبا فخفي عليهم أمر الشرك فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا أن من يعبد الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأن هذا جريان على طريقتهم ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم وهو خبر بمعنى وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. Donc le Cheikh explique le sens général du hadith, c'est que Abu Waqid al-Layfi, il mentionne dans cette histoire des choses étonnantes et dans lequel il y a une leçon. Et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans une bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans une bataille contre la tribu de Hawazin, la région de Hunayn, et bien entendu, il était en présence de ses compagnons, et certains d'entre eux venaient de se convertir récemment à l'islam, et certains aspects du shirk leur échappaient encore, et donc ils ont vu ce que faisaient les mushrikoun en cherchant la baraka des arbres, et ils ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre semblable pour qu'ils puissent faire la même chose qu'eux. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar par étonnement et pour dénoncer et condamner ce qu'ils venaient de demander et par exaltation pour Allah subhanahu wa ta'ala et par étonnement pour cette parole. Et il leur a informé que ce qu'ils venaient de demander était exactement ou bien pareil à ce qui yani, était pareil ou semblable à ce que le peuple de Moussa alayhi salam avait demandé à Moussa lorsqu'ils ont vu des gens adorer des idoles. Ils ont demandé à Moussa, fais-nous une idole comme eux ils en ont. Comme eux ils ont une idole. Et donc, ce qu'ils venaient demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est semblable à cette demande du peuple de Banu Israël à Moussa en disant fais-nous un arbre pour mettre, comme les mushrikoun ont un arbre pour accrocher leurs épées, nous aussi on en veut un arbre comme ça pour accrocher nous aussi nos épées pour la baraka. Donc c'est la même chose que le peuple de Moussa a demandé en demandant de leur construire une idole quand ils ont vu ceux qui adoraient des idoles. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a informé que cette Ummah allait suivre certaines voies des juifs et des chrétiens, et ils allaient les suivre dans leur méthode, dans leur façon de faire. Et ça, c'est une information dans le sens du blâme et de l'avertissement contre ce que ces gens-là font en réalité, et non pas pour approuver. Et le cheikh il dit: ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. Donc le cheikh explique la raison, l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a la preuve que de chercher la bénédiction des arbres ou d'autres choses semblables est une forme de shirk, et c'est comme si on attribuait à d'autres choses la divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si on attribuait la divinité à autre chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. وما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bien dans ce hadith? Le cheikh il explique: أولا أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأشجار ومثلها الأحجار وغيرها. Le cheikh il dit premièrement que de chercher la baraka des pierres, des arbres est une forme de shirk, et de même que les pierres et autre chose semblable. Le point numéro 2, ثانيا أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أي لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. Donc ça c'est le point numéro 2, que la personne qui a quitté une fausseté qu'il avait l'habitude de faire, c'est très probable que il y a encore des restes de cette habitude dans son cœur, qu'il a encore des séquelles ou des restes de cette fausseté dans son cœur. Donc ça c'est le point numéro 2. Quand quelqu'un était pendant longtemps dans une forme de shirk ou dans une bid'a ou dans des égarements, et qu'il quitte cet égarement, ça lui prend du temps parfois pour se débarrasser des restes de cet égarement-là qu'il a dans son cœur encore, parfois. Le point numéro 3, أن سبب عبادة الأصنام هي تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. Le cheikh explique que une des causes dans l'adoration des idoles, c'est de les vénérer et de se tenir auprès d'elles et de chercher auprès de celles-ci la bénédiction. Et le point numéro 4, أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه. Donc le cheikh il explique comme point numéro 4 que il est possible que quelqu'un voit quelque chose comme étant quelque chose de bon, il pense que c'est quelque chose de bon, alors qu'en réalité ça l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pense que ça le rapproche d'Allah, alors que ça l'éloigne d'Allah. Et c'est ça ce qui arrive au sujet des gens qui font des innovations. Ils pensent que qu'est-ce qu'ils font, ça les rapproche d'Allah, alors que ça les éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le point numéro 5, أنه ينبغي للمسلم أن يسبح أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. Donc le cheikh explique comme cinquième point que on peut par rapport à qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait dans ce hadith, c'est que le musulman lorsqu'il entend quelque chose qui est dit qui n'est pas correct, quelque chose qu'on ne doit pas dire dans la religion, ou lorsqu'il est étonné, il doit glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et exalter Allah subhanahu wa ta'ala en disant subhanallah ou bien en disant Allahu Akbar. Le point numéro 6, al-ikhbaru an wuqu' ash-shirk fi hadhihi al-umma wa qad waqa'a. c'est-à-dire, comme point numéro 6, l'information du fait que le shirk va se produire dans cette umma. Et en effet, il s'est produit. C'est-à-dire, le shirk il s'est produit dans cette umma. Le point numéro 7, علمٌ أو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. Et ça c'est un des signes de la prophétie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم du fait que le shirk s'est produit dans cette Umma comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'avait annoncé. Le point numéro 8, النهي عن التشابه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. Ça c'est un point important, le point numéro 8. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? C'est l'interdiction de ressembler aux gens de la jahiliya et de ressembler aux juifs et aux chrétiens. L'interdiction de ressembler aux gens de la jahiliya, de ressembler aux juifs et de ressembler aux chrétiens, excepté s'il y a une preuve dans quelque chose qui fait partie de notre religion à nous aussi. Et le point numéro 9, أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. Donc, le cheikh explique. Il dit qu'on prend en considération dans les règles, on prend les significations en considération et non pas les noms et les mots seulement. Donc, c'est pas seulement les noms qui sont pris en considération pour établir les règles au sujet de quelque chose ou les verdicts au sujet de quelque chose, mais on prend en considération les significations qui sont derrière et le sens de ce que ces mots-là signifient. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de leur demande, lorsqu'ils ont demandé de leur trouver un dhat anwart à eux aussi, il a pris leur demande comme étant une demande qui était semblable à celle de Banu Israël lorsqu'ils ont demandé une idole, comme celle que les idolâtres adoraient. Et donc, il ne s'est pas tourné vers le fait de seulement l'appeler dhat anwart, mais il a regardé derrière la signification de cette action-là, c'est-à-dire que c'est un acte de shirk de prendre cet arbre comme un objet de baraka, semblable à la demande des fils d'Israël qui ont demandé la même chose à Moussa lorsqu'ils ont vu quelqu'un ou des gens adorer des idoles. Et donc on peut dire aussi en même temps que le fait que par exemple ces gens-là soient des musulmans et qu'ils se soient convertis à l'islam, il ne s'est pas basé uniquement là-dessus pour dire comme si on ne va pas dénoncer ce qu'ils font ou ce qu'ils demandent et on ne va pas les critiquer pour ça. Non, il fallait clarifier la vérité au sujet de cette demande. Que ce soit quelque chose fait par des musulmans ou des non-musulmans, il faut dénoncer tout ce qui a rapport avec les choses qui contredisent la aqida et le tawhid. Et ça, c'est très important. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera dans la semaine prochaine, bi'ibnillah, la suite de ce cours, inshallah. Donc, on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum. ورحمة الله وبركاته